emmène-moi danser dans les dessous des villes en folie. Puisqu'il y a dans ces endroits autant de songes que quand on dort et on dort pas, alors autant s'étendre ici et là et se rejoindre en bas. Puisqu'on se lasse de tout, pourquoi nous entrelaçons-nous pour les écorcher vifs pendant la décennie. Allez, enfouis-moi, passe-moi par-dessus tous les bords, mais reste encore un peu après, que même la fin soit terminée. Moi j'ai pas allumé la mèche, c'est l'autre amour qui me presse dans les déserts, là où il prêche, où devant rien on donne la messe. Pour les écorcher, c'est moi encore, et de moi si tu peux, toi qui sais où. Après une subtile esquisse, on enfonce les vis, puis les écorcher vite, on en a bien ce vis. Nos hématomes crochus qui nous sauvent, tous nos points communs dans les dents, dans leur peau de peau qu'on retrouve ça et là dans tous les coins. Ne cesse pas de trembler, c'est comme ça que je te reconnais, même s'il vaut beaucoup mieux pour toi que tu trembles un peu moins que moi. Emmène-moi, emmène-moi, on va pouvoir se rendre écalade, et même si on précipite, on devrait voir. Voilà, voilà, allez, enfouis-moi, passe-moi par-dessus tous les morts. Encore un effort, on sera de nouveau. Calme et tranquille, serre-moi encore, et ouvre-moi si tu peux, serre-moi encore. Vous les écorchez vifs, on est la décennie, tous les écorchés. Nous les écorchés vifs, vous les écorchez, on en a les services, vous les écorchez vifs.